En Marrakech en veste pas, star ou pas. J'arrive en short là où les gens ne s'y attendent même pas. Ils peuvent me casser mais gros moi ça ne m'atteint pas. Tu peux m'effacer ta life, de toute façon je t'aime pas. Ça craint pas, tu fais le sympa. Le mec qui bouge sur le tempo, tu rêves pas en concert. Je fais trembler le mur comme ton pot. Beaucoup de mal à tolérer, poteau tu as trahi le sang. Je pars trop bien, je veux m'aérer, j'ai trop d'alcool dans le sang. Tu m'aimes pas, je deviens célèbre, trop d'MC sur la sellette. Je pense à mon pote en tol qui le sourire quand je relis ses lettres. Sur le dans ma bulle, j'essayais, je tentais ma chance. Mais poteau prenait ton placement pendant que je rappais dans ma chambre. Routine fausse. Je me lève et je vois plus des gains. Je voyais leur mère, j'étais mal parce que leur fille jouait avec des guns. Avant t'étais à jeun, maintenant faut que tu fumes, hein. Avant t'étais une victime, maintenant tu veux conquérir le sud, hein. Et ma vie putain, qu'est-ce qu'elle est mouvementée. Je suis pas là pour me vanter. Ouvre les yeux pour ton frère quand les siens sont bandés. Que je nique ma santé, je suis toujours mal, je t'avoue, ouais, même quand tu me vois plaisanter. Wesh l'équipe, y'a un bruit descendait. Des petits me critiquent, ils ont oublié qu'il est défendé. Avant ça bandait, au tir ça tirait, ça plantait. Des tabacs ça tentait, pas cagouler, pas ganter. Tu as un problème? Viens me voir, n'hésite pas gros. Check sur un coup de tête, ça part des braques et le spark. Trop trop de bâtiments à l'horizon. Je me fais du mal à la vue, un peu comme des murs de prison. Toi tu parles de moi, connais-tu mon véhicule? Les gens me voient comme une star, pourtant je marche en sécu. J'arrive en jogging dans les soirées où les gens mettent des cravates. J'arrive bien, je repars rabattre. J'ai vu ton vice, pour moi tu n'es qu'un fils de tapin. J'ai envie de te fouetter, tu fais le mec en temps pas quand je t'appelle. Le parcours de ma vie est rude, faut souffrir mais guérir. Crois pas que je me moque de toi gros, c'est juste que tu me fais rire. Et toi pourquoi tu me fais le parrain? T'es pas gros, t'es pas riche. Je me sens comme bloqué dans la jungle comme Alain de Paris. Quand y'a un doute, y'a plus de doute. J'suis trop plus riche, même plus une goutte. Il me reste que la vodka dans la bouteille pour oublier que je souffre. On s'aime des fois, on saoule. J'vieillis, j'en perds mon souffle. Ça se critique et après ça dit putain, l'équipe faut qu'on saoule. Marque ses conneries. Pour partir du quartier, qu'est-ce qu'on donnerait pas? On se met à soi-même en disant d'ici on ne partirait pas. On ne s'éviterait pas, on se trahira jamais pour une gadi qu'on ne connaît pas. Mais tout est arrivé. Y'a pas d'acte, y'a que des mots gros à l'arrivée. Laisse-moi naviguer entre bien et mal. Putain, la vie c'est hardcore, comme mettre son ami dans la malle. Laisse-moi frérot, j'ai mal. J'aimerais tracer droit, mais rien que je cale. C'est dur de voir qu'on a tous mal. Et de faire les mecs, genre on se régale. Je sais qu'on s'aime, mais faut qu'on s'aide, qu'on prenne le bise et qu'on s'installe. Tombe le trône de la poche, y'a des loups dans la zone. J'suis tellement chaud au cœur qu'on dirait qu'on le brûle à la zone. J'suis pas les autres, j'vais pas le répéter 100 fois. Tu fais le mec tout le temps froid. Jusqu'au jour où tu vas t'en prendre une dans le foie. T'es un voyant, mais dans quoi? Je parle nos histoires à tout le monde, mais pour me le dire, t'attends quoi? Que je pète les plans, que je me fasse enterrer, que je devienne dingue comme ce mec qui veut se jeter d'un pont. Des fois je rigole, 5 minutes après j'ai envie de pleurer. Des fois je picole, des fois je filme en me disant qu'est-ce que je serais. Qu'est-ce que je ferais si je perdais ma main ou si les flics me recherchent, putain. Qu'est-ce que je serais? En manque de souffle, au coffret comme le petit dent fraîche. Déçu des femmes, je dis pas que j'avance, le cœur sans flèche. Je dis pas que t'es la rue, je dis pas que t'es le meilleur. On sait que t'es un dégueu, pas le mec qui manie le mitrailleur. Posé au check, je disais j'irai jamais vivre ailleurs. Moi faut que je me taille, y'a trop de traîtres qui veulent mes valeurs. Oh les mecs, je te braque. Comme vite dans la haine, aime-moi pour ce que je suis, c'est pour ce que j'ai, pas la peine. Et en plus j'ai rien, sur pépé que j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai de mieux, à part être un terrien. Je vois les mecs au charbon, les gérants visionnent le terrain. Les clients viennent et repartent comme les gens dans tes rêves. Faire des sauts c'est difficile, ils diront. Ôter la vie c'est facile en girant. Je suis au quartier, poteau les genoux, droit dans tum-tum. Des miss m'appellent en masque et ma patte en parlant tup-tup. Avec Mortadon, on se fait la bise du sursis. Et s'il va pas la stup, ça va lui faire tomber son sursis. Des fois avec Simon, bizarre nos cœurs se parlent. On aime voir les vrais près de nous, que ça se casse ou pas. À sens ou pas, t'es gâteau aussi se pas. Faut savoir qui ferait un tête pour toi, se te mettre à le corps sous plate. Purée dans mes pattes, on se plaint de la vie. Comme ce mec qui sort de tol, qui veut plus jamais manger de pâtes. En bouquant sous patch, envie de fumer tout le monde. Même mon chien t'avoue pas, même si la vie te tourmente. Des poteaux, il en reste peu quand ça tourne mal. Vas-y seul, ils vont chauffer, arme-toi, ils vont être tous mal. J'fume des barres de seum, des fois j'parle tout seul. Seul, on se pèle les couilles l'hiver, envie de faire une virée vers le sun. Y'a trop de folles, y'a trop de frères qui doivent sortir de tol. Je trouve pas le genre, mec. Ouais, j'aime si. On a rien à voir, toi et moi. Hein? En disant Jules, c'est pas du rap. Mets-moi un beat, un piano, j'fais le reste, poteau. Reste sur ton clavier en train de critiquer pendant que ta copine m'envoie des photos. C'est la crise au mic, mec. 2015, frère. Parti de rien pour tout niquer, comme je vous l'avais dit. C'est la crise au mic, mec.